Bonsoir Alice. Bonsoir Julie, comment ça va? Ça va bien et toi? Super, super. Bienvenue dans ce 18e live de Beauté Imaginée. Déjà, est-ce que tu m'entends bien au niveau du son? Ça va? Oui, je t'entends très bien et toi? Parfait, moi aussi. Tu as des petits écouteurs, c'est ça? Oui. Génial, génial. Alors, je vais commencer mon introduction le temps que nos premiers auditeurs nous rejoignent. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Julie. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice. Je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est ça la force de l'audio. D'ailleurs, si un jour vous souhaitez être mon invité, n'hésitez pas à me contacter. Alors, Julie, avec toi ce soir, on va s'intéresser à un sujet très large, la beauté et les tendances cosmétiques venant d'Asie. On va parler de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, et on fera un zoom sur la technique du layering, les couches de produits qu'on peut appliquer sur le visage, qu'on appelle donc le skincare, tout ce qui est l'entretien, enfin tout ce qui est soin visage. Cette technique étant devenue très en vogue en France notamment ces dernières années. Alors toi, Julie, tu es d'origine chinoise, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, et tu parles chinois, du coup. Oui, j'ai commencé toute petite, D'accord. notamment du coup avec mes parents. Et D'accord. ensuite, j'ai continué en prenant des cours à l'extérieur, enfin extrascolaire. Ah, Et j'ai d'accord. continué même au niveau, même pour le lycée, et je l'ai même passé au bac. Voilà. Ah ouais, d'accord, ouais. Et du coup, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Oui, les deux. D'accord. Et donc, tu nous en parleras un peu après, mais tu as eu l'occasion de travailler avec la clientèle chinoise pour tout ce qui est cosmétique notamment. Donc, ça va être intéressant. Oui. Alors, on va parler d'abord de l'attente vis-à-vis des produits de beauté en Asie globalement, puis de la Chine du coup, du Japon et enfin de la Corée du Sud. Chers auditeurs, on attend vos commentaires aussi. Et écoutez bien ma belle invitée Julie, parce que tout à l'heure, on vous fera deviner trois caractéristiques la concernant. Et ce soir, nous avons Juliette, Astrée, Weiwei, Charo, Esther, Claire, Laurie, Cécé, Céline, Maddy et Guada. Bonsoir à tous et toutes. Merci d'avoir accepter ce rendez-vous avec nous pour parler du coup des tendances asiatiques en termes de produits de beauté. Alors c'est parti Julie, on va du coup commencer par ta vision de la beauté à toi avant de s'intéresser aussi à la vision en Asie. Alors déjà, la semaine dernière, l'auditeur Steven te posait cette question. Il voulait savoir quelle est l'importance de la beauté pour toi, comment tu te situes en fait en termes d'exigence un peu vis-à-vis de ta peau notamment, comment tu te situerais? Moi du coup, je fais très attention à ma peau. Et D'accord. comment dire, en fait, parfois quand j'ai un bouton ou deux, je t'avouerai que je Oui. commence à paniquer. Et du coup, Ouais. je change toute ma routine. Et Ah, d'accord. ouais, vraiment, je change vraiment toute ma routine pour combattre les petits boutons. Et voilà. D'accord. Non, je. Oui. Oui, tu es assez C'est. exigeante et tu fais attention. D'accord. Je te demanderai tout à l'heure ta routine justement. Alors, pour parler de l'Asie un peu globalement, au niveau de mes recherches, j'ai constaté que les critères de beauté en Asie pouvaient être un petit peu différents sur certains points de ceux en Occident. Du coup, les marques de cosmétiques, même internationales, créent des gammes adaptées au marché asiatique, à la clientèle asiatique. Dans l'ensemble, les côtés critères de beauté, donc j'ai relevé le goût pour la finesse du visage qui pourrait être un peu en forme de V. C'est ce qui peut être recherché notamment avec le maquillage et avec un regard agrandi, notamment par le maquillage. Déjà, je voulais te demander, toi, quelle zone tu mets en avant quand tu te maquilles? Je pense que c'est pas très étonnant, mais moi, du coup, je mets vraiment en avant mes yeux parce D'accord, que oui. j'ai l'impression que j'ai des tout petits yeux, j'ai une toute petite paupière mobile et des D'accord. cils qui sont pas beaucoup fournis. En plus, D'accord. ils poussent vers le bas et donc moi, Ah, un peu moins je. visible du coup. Ouais, un peu moins visible et heureusement qu'on a le recourbe-cils et le mascara, mes meilleurs amis. Ah D'accord. Et du coup, je l'utilise tous les jours pour vraiment ouvrir le regard. D'accord, je vois. Alors, c'est vrai que en Asie, apparemment, on mettrait en avant le teint parfait en priorité, quand en Occident, dans tout ce qui est médias, publicité, on va plus se concentrer sur le regard en priorité. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Oui, je l'ai beaucoup remarqué. C'est vrai qu'en Asie, on fait très attention au teint et c'est pour ça qu'ils ont souvent des techniques ou des petites routines soins qui sont beaucoup plus Ouais. importantes et plus visibles du coup que en Occident, par exemple. Ah oui. Ouais. Oui, c'est vraiment une priorité. Et les femmes et de plus en plus les hommes ont de plus en plus, enfin, ont une très bonne connaissance en fait de leur peau et de la façon de l'entretenir, qu'on Oui. n'a peut-être pas Oui. autant en Occident, même si ça se développe, notamment avec les réseaux sociaux et tout ça. Il y a de plus en plus de communication autour de ça, mais il y a encore pas mal de choses à apprendre, on va dire. Et du coup, côté soins visage, justement, en Asie, il y a la recherche de produits anti-âge, d'un teint clair, sans tache dû au soleil. Toi, justement, quel est ton rapport au soleil, personnellement? Est-ce que tu aimes bien bronzer? Pas spécialement? Alors, personnellement, moi, j'adore bronzer. J'adore D'accord. avoir un teint hâlé. Du coup, j'attends l'été toujours avec impatience. Ouais. Mais au contraire, ma mère, elle aime pas du Oui. tout s'exposer. Elle pense toujours à sa D'accord. crème solaire, à son grand chapeau pour vraiment se protéger du soleil. Du coup, c'est vrai que bah, toutes Oui. les deux, on est totalement différentes par rapport à ça, à ce sujet. Ah bah oui, c'est marrant. Ouais. Oui, elle, le côté teint hâlé, c'est pas mode ou fun, quoi. C'est un raté. Si elle a bronzé au soleil, c'est qu'elle s'est mal protégée, quoi. Oui, c'est ça. En plus, à chaque fois, elle me dit, oh, Julie, en plus, moi, je bronze super vite. Et moi, au contraire, je suis là, vraiment, Ah. moi, j'arrive pas du tout à bronzer. Ah C'est tout le ouais, contraire. c'est frustrant. Oui. Oui, c'est souvent comme ça. Et du coup, ce goût pour les produits éclaircissants, entre guillemets, qu'on appelle whitening, même si c'est un terme un peu qui a été controversé ces derniers mois, tu l'as constaté aussi quand tu travaillais dans la vente notamment? Oui, j'ai beaucoup remarqué ça par rapport aux attentes de la clientèle asiatique. Bah, comme on D'accord. l'a dit, ils sont vraiment très connaisseurs en termes de routine soins et ils aiment beaucoup les produits français parce qu'on a vraiment une très belle D'accord. image dans tout ce qui est cosmétique française. Oui. Du coup, oui, ils sont vraiment à la recherche des produits vraiment éclaircissants. Même aussi anti-tache par rapport aux taches Ah oui. pigmentaires qu'on peut avoir à cause du soleil. Du coup, ils sont très sensibles à ce sujet et ils sont très ouverts, par exemple, quand on leur propose des soins du coup, de protection solaire, contrairement à une Ouais. clientèle française qui a l'impression que c'est plutôt un produit de saison, Une plutôt corvée un peu ou... Ah, d'accord, je vois. voilà. Ouais. Plus perçu comme un produit en plus ou un produit de saison qui est utilisé seulement en été. Enfin, on a du mal, même moi, Ah oui. personnellement, j'ai du mal à, Ouais. enfin, En à appliquer penser le à reste de mettre ma crème l'année. solaire. Ouais. Alors Oui, je vois. qu'en soi, c'est très important. Et bah oui, c'est sûr que apparemment c'est le mélanome, c'est le premier cancer au monde, donc c'est sûr que c'est un vrai sujet quand il fait beau de se protéger. Mais là, il fait même voilà une dimension un peu pour éviter, enfin comme c'est pas la mode spécialement d'être de que la peau soit un peu bronzée, oui, même toute l'année, la clientèle chinoise aura tendance à utiliser des produits. Enfin de protection solaire, alors, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais même c'est inclus souvent dans les crèmes aussi, la protection Ah, solaire. d'accord. Ouais. Ah oui, je vois. Parce que toi, par exemple, en tant que consommatrice, si tu vois un produit soin visage qui a une protection solaire intégrée, c'est un argument de plus ou ça t'importe peu, c'est pas ça qui va te faire choisir une crème plutôt qu'une autre? Alors pour moi, c'est très étrange, mais moi je vais trouver que c'est un peu contraignant parce que du coup, je ne pourrais pas D'accord. l'utiliser la nuit. Et Eh oui, du coup, d'accord. récemment, j'ai acheté une crème avec une faible protection solaire. Mais du coup, je suis partagée D'accord. parce que je me dis, là maintenant, on est un peu en été. Et du coup, un SPF 15, c'est très peu. Vaut mieux mettre une protection qui soit plus complète, par exemple du 50 ou du 30. Et Oui. bah, du coup, je la réserve pour septembre. Voilà. Oui, je vois. Alors après, ça, c'est vrai que tout ce qui est protection solaire, apparemment, le fait d'avoir un petit indice comme le 15, ça ne veut pas dire qu'on est moins protégé finalement. C'est plus qu'il faudrait remettre notre protection solaire plus régulièrement. Mais en termes de quantité de filtres sur la peau, y aurait pas de différence. Enfin, ça, c'est un sujet que on pourrait faire un jour dans un live, tout ce qui est protection solaire, parce que c'est très, très intéressant et il y a pas mal de choses en fait à savoir. Mais du coup, je pense que c'est tout de même une bonne protection, même si tu n'as entre guillemets qu'un indice 15. Mais si tu t'exposes, c'est sûr que ce n'est pas suffisant, il faut compléter, ouais, et en remettre régulièrement dans ces cas-là. Ouais, du coup, ça devient un peu problématique de... Enfin, Oui. moi, je me vois bien remettre de la protection solaire, mais remettre une crème pour le visage avec protection solaire, je trouve que c'est Ah un bah peu non, oui, c'est contraignant. sûr, c'est sûr. Mais disons que du coup, tu pourrais le matin, lors de ta routine, avoir cette protection déjà minimale avec un 10-15 et ensuite appliquer, s'il y a un rayonnement plus important, là, une protection supplémentaire, quoi. Ça pourrait être la technique parce que en général, on applique une crème avant la crème solaire, je ne sais pas pour toi. Si tu... Oui, pareil. Pareil, bah, du coup, Ouais. c'est vraiment la crème, c'est vraiment pour hydrater la peau. Dans mon cas, moi, enfin, vu que j'ai une peau mixte, j'aime bien qu'elle soit aussi un peu matifiante, qu'elle absorbe le sébum. Et bien Oui. évidemment, après ça, mettre, si je n'oublie pas, une protection solaire. Ou si je. Enfin, D'accord, en oui. fait, j'ai tendance à oublier, mais j'y pense Ouais. quand je sais que je vais vraiment m'exposer au soleil. Oui, quand Enfin, tu es sur moi, à ce vraiment en mode moment-là. vacances aussi, peut-être. Oui, c'est ça. Oui, je vois. Et vous, chers auditeurs, dites-nous si c'est un argument pour vous qu'il y ait une protection solaire intégrée à une crème hydratante quand vous en achetez une. On a donc Juliette, Astrée, Weiwei, pardon, Charo, Esther, Claire, Laurie, Cécé, Céline, Maddy, Guada, Claire, Andrea, Carrie et Joël. Bonsoir à tous. Est-ce que pour vous, c'est un argument ou est-ce que vous ne faites pas spécialement attention à ce côté protection solaire dans les soins visage? Racontez-nous. Ah, on a une première réaction. Salut Alors Astrée! non, moi c'est pas spécialement un argument pour moi. Enfin, j'avais même pas réalisé que ça pouvait exister. Mais du coup, moi je mets de la crème solaire classique. D'accord. Donc, oui. C'est vrai que si on ne s'expose pas, notamment, je pense, quand on habite en région parisienne, on a un peu tendance à se dire, bah, je ne suis pas en vacances, donc je n'ai pas besoin d'appliquer spécialement de protection. C'est ce que tu disais, toi, c'est si vraiment tu sais que tu vas t'exposer, mais sinon, tu ne ressens pas le besoin d'en avoir une permanente, quoi. Oui, enfin moi dans mon cas, non dans mon cas, non j'aime pas avoir, enfin me dire que dans ma crème contient déjà une protection solaire, enfin même en termes de texture j'ai l'impression c'est beaucoup plus épais. Parfois il y a aussi un effet blanc que j'aime pas trop et du coup c'est Ah pour ça que je oui. préfère avoir une crème, juste une crème et Oui, ensuite je vois. si besoin rajouter la protection solaire. Ouais, je vois. Ne pas. Oui, parce qu'il y a forcément une texture différente quand on a une crème qui est associée à une protection en même temps. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu as travaillé dans la vente de cosmétiques en contact avec des clients chinois pendant combien de temps? Alors, du coup, pendant 4 ans, c'est vrai que ça paraît D'accord. long, mais du coup, c'était en parallèle de mes études. Voilà. D'accord, ok. Et ta technique un peu pour justement les convaincre, c'était de mettre en avant ce genre de fonctionnalités supplémentaires des produits ou est-ce qu'il y a des petites choses particulières quand tu t'adressais plutôt à des touristes chinois plutôt qu'à une clientèle française? Alors, dans les deux cas, toujours, je demande du coup les attentes que la cliente elle recherche. Et ensuite, par rapport à la clientèle chinoise, ben, je sais que d'avance que la gamme, par exemple, un peu plus éclaircissante pour le teint, je sais que ça va intéresser. Je sais que aussi qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est lotion tonique, lotion hydratante. Ah. Et tout ce qui a une action hydratante ou peut-être anti-pollution aussi les intéresse beaucoup. Ah, d'accord. Et ils sont, enfin, vu qu'ils sont plus sensibles à, aux soins visage, ils sont plus, enfin, on peut plus facilement leur proposer une routine soin, donc une routine avec Complète. sérum, voilà, sérum, Ah crème de oui. jour, crème de nuit, et ils sont plus susceptibles du coup d'adhérer, d'accepter du coup de prendre la Ouais. routine. Et comme on l'a dit Entière, oui, tout à avec l'heure, plusieurs ouais. produits, d'accord. Oui, pour vraiment Ouais. avoir leur routine soin visage. Oui, d'accord. Et peut-être que la clientèle française se s'intéresserait plus aux actifs anti-âge et c'est ça? Qu'est-ce que tu aurais remarqué Après, ça dépend vraiment de la cliente, de son âge, de ce qu'elle recherche. Mais c'est C'est vrai sûr. que la clientèle française, j'ai l'impression qu'elle est plus intéressée par un seul produit. Enfin, elle n'est pas Oui, très une crème. friande, voilà, d'une crème ou d'un soin spécifique, mais elle n'est pas très Oui. friande à prendre toute une gamme. Même le fait de rajouter un Oui. produit supplémentaire, elle le voit vraiment comme un produit supplémentaire et non comme un produit qui peut Oui, être en essentiel. complément, voilà, qui peut être Ouais. essentiel. Et Elle a l'impression que tu voilà. la pousses à la consommation, en fait, que c'est un peu marketing et qu'il n'y a pas de d'avantage réel. Totalement. Elle le perçoit vraiment comme ça, comme un produit en plus et non comme un produit qui pourrait peut-être l'aider dans ce qu'elle souhaite. Du Oui, coup, pour atteindre son objectif côté oui. état de peau et tout ça. Ouais, je vois. Ouais, c'est intéressant de voir, du coup, comme les marques doivent s'adapter à tout cela, parce qu'en France, on est un peu dans une tendance, entre guillemets, d'éducation des clientes par rapport au fait que ça peut être intéressant d'avoir des produits complémentaires les uns des autres, mais c'est pas encore forcément quelque chose d'acquis. Et j'irais même plus loin, en France, on a même des scientifiques qui vont prôner le jeûne cosmétique et inciter à laisser la peau un peu tranquille, entre guillemets, par moment pour éviter tout ce qui est sensibilisation aux différents composants. On a peut-être plus de débats sur les compositions, etc. Donc ça peut même parfois faire penser que le fait d'utiliser des produits cosmétiques, ça peut être un peu néfaste ou quoi, selon la composition. Donc c'est assez Oui. complexe. C'est vrai que c'est très complexe parce que parfois on entend dire accumuler trop de produits cosmétiques, ça peut aussi sensibiliser la peau. Ouais. Et je pense que c'est vrai qu'on a vraiment on a besoin d'avoir plus d'informations, je pense, au niveau consommateur et même de Oui. tous sur les produits cosmétiques, même comment les choisir, est-ce que c'est mieux d'utiliser du C'est bio vrai. ou non. Enfin, on a besoin vraiment d'être un peu éduqué sur le sujet, c'est vrai. Ouais. Alors j'espère qu'avec Beauté Imaginée, on aura quelques axes comme ça, enfin quelques infos pour nous en apprendre davantage. Il y avait eu un live notamment sur tout ce qui est produits naturels, biologiques et je pense aussi au live sur les perturbateurs endocriniens. C'est vrai qu'à ce moment-là, on avait évoqué le fait que quand il y a une substance un peu potentiellement irritante ou sensibilisante, on va dire, le fait d'y être exposé régulièrement et dans plusieurs produits de beauté différents, ça va augmenter la sensibilité globale du consommateur. Donc c'est vrai que tout ça, ça pourrait pousser à ne pas surconsommer, entre guillemets. Donc vis-à-vis de ça, il y a vraiment une différence d'approche, quoi. Oui, totalement, totalement. Et oui, du coup, dans l'ensemble, quand tu avais une clientèle chinoise, les paniers étaient assez conséquents suite à ces différents, enfin, à cet attrait pour tout ce qui est routine complète, etc. Oui, en fait, vu qu'ils sont beaucoup plus ouverts et bah, connaisseurs dans le sujet, ils sont plus sensibles à prendre du coup des routines, voire plusieurs. Et souvent, en fait, la clientèle asiatique, quand elle vient, c'est surtout aussi pour avoir des petits souvenirs ou des petits cadeaux à apporter à la famille. Et D'accord. du coup, parfois, il... c'est vrai que du coup, comment dire, enfin, le but de l'achat, en fait, il est totalement différent. Ce n'est pas une course qu'on fait régulièrement, mais plus des souvenirs à apporter, des cadeaux à apporter. C'est pour ça que parfois, le panier, il est D'accord. beaucoup plus conséquent. Et Ouais. aussi, ben en fait, il n'y a pas que le soin. Parfois aussi, il se tourne vers, du coup, le maquillage ou peut-être des petites crèmes pour les mains. Enfin, voilà, des petits cadeaux qu'ils pourraient offrir, du coup, à leur retour, du coup, dans Ah leur pays. oui. Quand on part en vacances à Paris, c'est un peu impensable de ne pas rapporter quelque chose, un souvenir cosmétique notamment à ses proches, quoi. Oui, enfin, il y a la culture du cadeau qui est très présente. Et D'accord. du coup, bah, en fait, les produits cosmétiques, bah, en fait, ça peut être d'autres produits, mais en D'accord. fait, ils recherchent surtout des produits qui sont fabriqués en France, voilà, pour vraiment avoir un cadeau qui a, comment Oui. dire, du sens et même qui est Authentique, propre, oui. voilà, exactement. Et du coup, le fait que, par exemple, sur les produits, c'est marqué comme quoi c'est fabriqué en France, bah, ça devient Ah vraiment un oui. produit authentique, voilà, à Ouais. apporter ou Oui. à offrir. Et tu le disais, la France bénéficie d'une très bonne image côté cosmétique. Oui, et même, enfin, on peut le partager, mais en soi, ils le savent déjà. Du coup, c'est vraiment ça qu'ils viennent chercher, du coup. Voilà. Ouais, je vois. Et côté Japon maintenant, apparemment au Japon, pour tout ce qui est soins visage, les massages du visage sont très développés. Le fait de masser lorsqu'on s'applique des produits, hydratants notamment, va aider l'actif à pénétrer davantage. Parallèlement, la nuit, en fait, la circulation sanguine est ralentie et le fait de masser, ça va aider à relancer cette circulation sanguine. Elle va donc ensuite recevoir davantage les nutriments présents dans le sang. Et enfin, le fait de masser, ça va chauffer les muscles du visage, ça peut donc aider à les rendre un peu plus forts, plus toniques et donner un effet plus ferme à la peau. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment une bonne astuce anti-âge, entre guillemets, de masser son visage en appliquant ces produits. Est-ce que toi, tu le fais, Julie? Alors oui, ces derniers temps, j'ai en fait habituellement, j'applique mes crèmes avec en faisant des mouvements circulaires pour le contour des yeux, je tapote ou sinon je lisse toujours D'accord. de l'intérieur vers l'extérieur. Et D'accord, ouais. ces derniers temps, j'arrête pas d'entendre parler de gua sha, roll-on, mais vraiment limite tous les Ah. jours, j'en entends parler. Et du coup, je me suis dit D'accord. bon, faut bien essayer. Il faut s'y Et donc mettre. oui, voilà, faut s'y mettre, faut essayer. Si tout le monde en parle, ça veut dire que ça doit bien fonctionner, que ça doit être de bons produits. Donc j'ai Oui. essayé le roll-on et le gua sha. Et en fait, j'ai D'accord. beaucoup apprécié ces deux instruments. Notamment du coup le roll-on, en fait, ça permet vraiment de enfin, il y a un côté frais qui est apporté et aussi bah, Ah du coup ça oui. permet vraiment de bien masser. Et comme tu l'as très bien D'accord. dit, de faire pénétrer le produit, mais il y a surtout ce côté vraiment très rafraîchissant qui est apporté. Et ensuite, le gua sha. Entre les deux, je préfère plutôt le gua Oui, sha parce qu'on a comment tu vraiment. décris le gua sha? Alors, le gua sha, c'est comme une pierre sous forme de cœur qui est plutôt aplatie. Et en fait, en fonction de ses différentes faces. En fait, D'accord. on peut l'utiliser pour drainer, pour masser ou pour même retravailler certaines zones. Par exemple, D'accord. en fait, c'est comme un cœur et du coup, par exemple, le côté plus sous forme de cœur, je sais pas, je crois que je me perds un peu, mais D'accord. il y a un côté qui permet vraiment de bien travailler, par exemple, le contour du visage ou même le contour des D'accord. yeux. Voilà, ça Ah, s'adapte vraiment très d'accord. bien au visage. Moi, je ne le pensais pas, mais après l'avoir utilisé, Oui, je trouve que ça s'adapte bien. tu as été conquise. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que on voit vraiment l'aspect drainant, en fait, quand on Oui. l'utilise. Et c'est très, très, très relaxant. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé Pas, non, pas encore, auparavant. mais c'est vrai que ça m'intrigue plutôt. Chers auditeurs, du coup, dites-nous si vous avez déjà essayé ce genre de d'accessoires massage du visage pour appliquer vos produits. Et tu l'appliques à quel en même temps que ta crème hydratante du coup? Alors, pour le gua sha, malheureusement, on a besoin d'une texture assez liquide. Du D'accord. coup, soit très liquide, Type soit de l'huile. sérum, ampoule, C'est ça. Ou d'accord. sérum. Et du coup, j'applique d'abord le sérum sur le visage. Et ensuite, j'utilise le gua sha, du coup, pour masser. Et en D'accord. fait, c'est très pratique parce que tu peux l'utiliser sur toutes les zones du visage. Que ce soit au niveau des D'accord. joues, contour des yeux et même au niveau Ah du oui. front. Et Ouais. franchement, moi, au niveau du front, je trouve que c'est très, très, très relaxant. Enfin, moi, à la fin, Ah ouais. je suis comme sur un petit nuage. Du coup, je suis prête Oui. pour dormir. Oui, je vois, oui, Voilà. c'est vrai qu'on va parler ensuite de la technique du coup du layering et il y a vraiment un côté, on prend soin de soi, on se met un peu, c'est une parenthèse où on déconnecte en même temps de la journée et on prend soin de sa peau. Et donc avec ce réflexe massage, on va encore plus aller dans ce sens. Alors on a Esther qui intervient. Salut Esther. J'ai jamais utilisé, mais j'aimerais bien essayer. Ça a l'air d'être pas mal. Bah ouais, ça a l'air à la fois agréable et efficace du coup si ça permet tout ça et de pour tout ce qui est prévention anti-âge, c'est très recommandé du coup. Oui, et comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment un moment pour soi. Avant, Oui. je faisais tout très rapidement. Ma routine, je la faisais Oui. rapidement et après je partais. Et là, le fait d'utiliser le gua sha, on prend vraiment du temps pour soi et ça fait du Ouais. bien. Je trouve que c'est nécessaire. Enfin, ça fait du bien en tout cas Oui. de se retrouver. Puis on sait que c'est positif pour la peau, donc c'est tout bénéfice, quoi. Alors, est-ce que Cricri, salut Cricri, est-ce que tu utilises, est-ce que tu te masses Moi aussi le qui ai un visage? certain âge, systématiquement quand je mets ma crème de jour, je me masse, j'en profite pour me masser la peau. Je ne Ah sais ouais. pas, vous me direz si c'est efficace ou pas. C'est totalement recommandé et apparemment pour finalement il y a plein de muscles hein, au niveau du visage et on sait qu'un muscle massé voire musclé du coup si on fait en même temps des petits pincements des étirements il va être un peu plus tonique et donc il y aura davantage un côté ferme donc pour la prévention des rides c'est très positif tu as bien raison et Carrie salut Carrie. J'ai jamais utilisé pour le visage, mais j'ai entendu il y a des gens qui font D'accord. gua sha sur le corps et en fait ça aide pour les choses toxiques, les choses pas, les choses genre mal, les choses un peu humides sortent de Ah. ton corps et aident pour une meilleure circulation. Ah, d'accord. Ah, pour le corps aussi. Ah, je vois. Oui, pour un peu faire ressortir les toxines et tout ça. Toxiques. Non, pardon, oui, les toxines. Ah, ça peut être aussi utilisé. D'accord. Donc ouais, c'est un vrai, un vrai accessoire complet du coup. Et maintenant, côté alors Corée du Sud, on a plusieurs tendances qui viennent de ce pays. On parle d'ailleurs de la K-beauty pour Korean Beauty. Elle est mondialement reconnue. On a donc notamment les masques tissus qui ont été inventés en Corée du Sud. Donc ce sont des masques à usage unique, imbibés d'actifs. On les applique sur le visage nettoyé et il y a une fente pour les yeux et la bouche. Ça fait partie des innovations cosmétiques coréennes. Est-ce que tu en utilises parfois, Julie? Chers auditeurs, si vous en utilisez, racontez-nous aussi. Oui, j'en utilise. D'ailleurs, moi, j'utilise du coup les masques en tissu. J'aime beaucoup et les bébés crèmes. C'est Oui. vrai que moi, je favorise plutôt les bébés crèmes que les fonds Ah de oui, teint. ça vient aussi de Corée du Sud, ouais, d'accord. Et Oui. Oui, par rapport à la bébé crème, enfin pour moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus léger et que la couvrance elle est plus d'accord. modulable. Et c'est pour ça que je pense que c'est plutôt psychologique, mais je préfère Oui. utiliser les bébés crèmes. Alors c'est oui. Mais C'est vrai que c'est un peu à mi-chemin entre la crème hydratante et le fond de teint, donc tu trouves que ça va être plus fluide au niveau de l'application, c'est ça? c'est ça, plus fluide et même au niveau du rendu, enfin moi ça me plaît beaucoup. Enfin, je recherche juste à unifier le teint, du coup Oui, pour moi, c'est pas besoin d'un parfait. vrai fond de teint, etc. Et en même temps, ça hydrate, donc oui, ça. c'est positif. Chers auditeurs, la bébé crème, ça vient de. Donc en anglais, ça veut dire Blemish Balm Cream. Et au départ, c'est un baume anti-imperfection, si on traduit mot à mot. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant si on ne souhaite pas se maquiller réellement le teint, mais qu'on veut un effet bonne mine. Et comme tu le disais, unifier un peu le teint. Donc, ça, c'est aussi un produit qui vient de Corée du Sud. Et les masques en tissu, un petit peu de temps en temps, du coup? Oui, de temps en temps. En fait, je trouve ça vraiment très agréable d'avoir du coup le masque qui est posé sur le visage. On a vraiment un côté coup de frais au Oui. visage. Et en plus, on peut retrouver de tout. On peut retrouver des masques Ouais. hydratants, détoxifiants, purifiants. Donc, on trouve Oui. notre bonheur. C'est vrai que ça s'est beaucoup développé. Ça a un certain coût, hein. En général, c'est des Oui. produits quand même assez chers. Donc, on n'imagine peut-être pas forcément en utiliser très, très régulièrement. Mais on va le voir, c'est une des étapes, en tout cas, du layering. Une autre tendance venant de Corée du Sud, c'est le maquillage homme, notamment avec l'influence du style de musique K-pop, dans lequel les hommes sont souvent maquillés. Et la jeune génération. Du coup, masculine en Corée du Sud se maquille beaucoup. Donc, tout ça, toi, tu avais conscience que ça venait de ce pays-ci, donc les masques, la bébé crème, le maquillage homme aussi en développement. Alors, pour les masques et les bébés crèmes, oui. Mais par contre, maquillage pour hommes, c'est vrai que je n'y suis pas trop intéressée. Je sais que ça commence à arriver. Les produits soins pour hommes. On voit l'apparition de plusieurs nouvelles marques de soins pour hommes. Ouais. Et le maquillage aussi. On a certaines marques qui proposent du maquillage Non pour hommes. genré, etc. Mais. Oui. Oui, soit non genré, soit pour homme. Pour Et homme directement. Ah oui. oui. Mais c'est vrai que moi, je vois ça plutôt de loin. Oui, Et je ne pensais d'accord. pas que ça venait spécifiquement de la Corée. Je sais que les chanteurs, acteurs, etc. se maquillent, mais je ne pensais pas Ah oui. que Alors, ça tu as avait. raison, c'est un peu en parallèle, tout ce qui est cinéma, etc. Ça impose d'avoir un teint travaillé. Donc, il y a du maquillage à ce moment-là, c'est vrai. Apparemment, c'est particulièrement en vogue, en tout cas en Asie, suite à ce grand engouement de ce style de musique. En fait, donc en Corée du Sud notamment, le maquillage n'enlève rien à la virilité. C'est vraiment une façon de se mettre en avant, de prendre soin de soi aussi. Et petit à petit, on peut voir des hommes se maquiller. Donc ça vient aussi en Occident petit à petit. Mais c'est vrai qu'en plus, en parallèle, il y a tout ce qui est télévision et tout. Là, c'est un incontournable. Et ça doit faire pas mal d'années que c'est le cas d'ailleurs. Mais sinon, Et par rapport aux ouais. tendances, je viens de penser, c'est vrai qu'on a aussi les fonds de teint sous forme format cushion, tu sais, avec des petites houppettes où Ah on non, je vois l'applique en pas. Ça tapotant sur s'écrit le comment? visage. Ça s'écrit Cushion. D'accord, les fonds de teint. Ouais. Et du coup, il me semble que ça vient aussi de Corée et ça a été repris Ah, d'accord. du coup Par beaucoup de marques. Ah, je vois, par oui, beaucoup de c'est marques. le fait d'avoir comme applicateur cette houppette, du coup, c'est comme un peu une éponge, hein, c'est ça? Un Oui, petit c'est comme peu. une éponge. Ah Et en ouais. fait, c'est un fond de teint qui est liquide et qui s'applique sur le visage juste en tapotant. D'accord, je vois. Ah ouais, intéressant, oui, sur le maquillage aussi. Il y a beaucoup d'innovation de leur côté. C'est vraiment un pays qui a une industrie cosmétique vraiment développée. On aura une petite question par rapport à ça dans le quiz tout à l'heure. Et est-ce que tu peux nous raconter ta routine beauté avant que nous faisions un petit point sur le layering du coup? Alors, ma routine, elle est différente en fonction de le matin et du soir, et de si je suis maquillée ou non. D'accord. Mais typiquement, le matin, en fait, j'applique une lotion sur le visage. Ouais. Et ensuite, si besoin, un sérum ou non, et ensuite crème contour des yeux. C'est tout. Du coup, D'accord. on Bon. est aux... Ouais. Oui, c'est très Le... simple et rapide. Oui, mais il y a quand même le contour des yeux qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde. Pardon, tu as dit sérum? Oui, le sérum, en fait, c'est Oui. selon comment je ressens ma peau. Si par exemple, D'accord. j'ai des petites imperfections, du coup, je vais prendre un sérum qui va purifier la peau, resserrer les pores. Et sinon, si D'accord. par exemple, j'ai l'impression que j'ai la peau qui tiraille, ben, ce sera plutôt un sérum hydratant. Et ces derniers D'accord. temps, j'utilise un sérum pour l'éclat. Voilà, D'accord. pour Oui, avoir mais donc, une tu as plus quand bonne même nuit. plusieurs produits. Il y a Ouais. encore beaucoup de personnes qui n'utilisent ni contour des yeux, ni sérum. Hein. Bah, je ne sais pas si nos auditeurs en utilisent, par exemple, mais du coup, c'est quand même une routine assez aboutie. Mais c'est vrai qu'on va le voir, le layering, du coup, aurait une dizaine d'étapes. Donc là, on est, oui, on est sur un autre niveau encore de... C'est très poussé avec cette technique-ci. Donc, en fait, ça vient de l'anglais. Ça veut dire superposition. Et on peut aussi l'appeler soin millefeuille. Ça correspond à la technique soin visage, donc de superposition de produits de beauté. Il y a plusieurs règles, en fait, associées. Déjà, chaque personne va finalement créer son rituel de layering avec des produits adaptés à son type de peau, donc grasse, sèche, mixte, normale, et son état de peau, sensible, mature, déshydratée. Et en même temps, en fonction des différentes zones, chaque personne ne va pas utiliser forcément le même produit sur le visage complet, parce qu'on ne va pas traiter le contour de l'œil de la même façon que le nez, puisqu'ils n'ont pas la même épaisseur, les mêmes caractéristiques. Une autre règle qui est associée au layering, c'est le fait de commencer par des produits, les produits les plus liquides qu'on veut appliquer, en allant vers les produits les plus riches pour une pénétration optimale des différents actifs. Donc je disais, il y a une dizaine d'étapes. Donc tu vois, c'est un sacré rituel à adopter. Alors ça va tout d'abord comprendre le double nettoyage de la peau. Alors ça, je m'y suis D'accord. mise récemment. C'est assez efficace pour vraiment bien nettoyer en profondeur, on va dire, avant d'appliquer les différents actifs. On en avait d'ailleurs un peu parlé dans le live sur l'acné avec Laurie. En fait, le double nettoyage, c'est adapté à tous les types de peau finalement. On va utiliser d'abord un démaquillant, type huile démaquillante. En fait, c'est le fait d'utiliser un corps gras pour retirer tous les corps gras de la peau. Même si on a une peau grasse, ça ne va pas spécialement graisser la peau, ça va permettre de capter, d'attraper ces différents corps gras qui sont la pollution, le maquillage, notamment le sébum. Et ensuite, de rincer cette huile démaquillante avant d'appliquer un savon doux, par exemple, ou un nettoyant classique ou adapté à notre type de peau, qui lui va retirer le reste d'impuretés, les bactéries notamment. Une fois la peau vraiment nettoyée comme ça, elle est prête à recevoir les actifs des produits qu'on applique ensuite. Mais donc, tu vois, il y a déjà une part importante de ce côté nettoyage, démaquillage, alors que parfois, on pourrait peut-être se dire que si on n'est pas maquillé, on n'a pas besoin de nettoyer sa peau le soir. Et non, avec le layering et en Asie régulièrement, enfin généralement, on va effectuer un double nettoyage pour être sûr d'avoir la peau préparée à la suite du soin visage. C'est ensuite qu'on va utiliser une brume. Tu l'as évoqué, ça, les brumes, c'est assez apprécié par la clientèle asiatique que tu as pu rencontrer. En fait, la brume, ça va être sous forme de lotion souvent. Ça va permettre de retirer le calcaire qui s'est déposé sur la peau quand on a rincé la peau. Parce que le fait d'avoir cette couche de calcaire, ça pourrait empêcher les actifs de pénétrer et puis ça va un peu dérégler le pH de la peau. Donc, c'est pas forcément terrible de laisser de l'eau du robinet sur sa Oui. peau. Donc, les lotions comme ça va éviter en plus les tiraillements. Et ça, c'est l'étape 3 alors de ce rituel du layering. Et il existe plusieurs types de lotions d'ailleurs, hein, selon le type de peau. Donc, c'est une étape assez intéressante pour parfaire le démaquillage. Et c'est là, finalement, c'est en étape 4 seulement qu'on va commencer à donner des actifs à la peau. On va commencer par un masque en tissu, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, c'est vrai que ça peut avoir un certain coût, donc c'est pas forcément à chaque fois, mais la technique poussée du layering, c'est d'utiliser un masque en tissu après le nettoyage de la peau pour faire pénétrer les premiers actifs. Et ensuite vient l'étape du contour des yeux. Donc toi, tu as dit, tu utilises un produit spécifique pour le contour de l'œil? Oui, et je le Ouais. fais du coup à la fin. D'accord, en À dernier, la oui, première. de toute façon, ce qui compte, c'est que la peau soit bien nettoyée avant et qu'il y ait ce soin particulier pour aider cette peau qui est particulièrement fine et à lutter notamment en prévention des différents signes de l'âge, parce que c'est souvent la zone qui est marquée en premier. Et ensuite, du coup, on a l'étape suivante qui consiste en un concentré d'actifs. Donc là, ça va être soit un sérum, toi tu as dit que tu en utilises un, ça peut aussi être une essence, une ampoule. C'est différents produits assez semblables, mais au niveau des textures, ça peut un petit peu varier. Et là, on peut même utiliser apparemment les trois parfois, donc Ah pour être vraiment là au top du millefeuille de son visage. Ensuite, on passe à l'hydratation sous forme de crème. Donc, ce qu'il faut savoir, ça c'est assez intéressant à préciser, c'est que toutes les crèmes de jour ou de nuit vont de toute façon hydrater la peau. Et ensuite, elles ont des fonctions supplémentaires selon leurs actifs, pour matifier, pour nourrir, pour lutter contre les Hydraté. signes du vieillissement cutané. Et de toute façon, elles hydratent de toute façon toutes. Voilà. Même si on prend une crème pour peau sèche ou pour peau grasse, elle va hydrater parce que toute peau a finalement besoin d'être hydratée. Et du coup, voilà, ça c'est l'étape 7 ou même un peu plus si on a utilisé les trois produits concentrés d'actifs avant. Et ensuite vient la fameuse protection solaire. Tu as dit que c'était très important. Pour voilà, lutter contre tout ce qui est taches un peu pigmentaires et pour éviter de bronzer et bien prendre soin de sa peau. Donc, ça va venir en quasi dernière étape et puis il peut y avoir le baume à lèvres ensuite, éventuellement. Donc, comme vous voyez, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de produits différents sur la peau. Et on le disait, certains scientifiques en France, en tout cas, on entend des alertes un peu sur le fait d'utiliser beaucoup, beaucoup de produits. Voilà, ça pourrait peut-être un peu sensibiliser la peau. Mais en Asie, c'est comme ça que généralement, on prend soin de sa peau en essayant d'avoir des routines complètes qui permettent d'utiliser des produits complémentaires qui ont chacun un peu une utilité différente, quoi. D'accord. Est-ce Et que... pour le double nettoyage, du coup, tu le Ouais. fais aussi matin et soir, c'est bien ça? Alors, Ou idéalement, oui. En fait, juste... finalement, on peut se dire, bah, le matin, je ne suis pas maquillée, à quoi bon? Mais la nuit, il y a quand même une certaine pollution, puisque même à l'intérieur, on a de la pollution qui vient tout simplement des murs, la poussière, etc. Les acariens aussi dans nos lits. Hein, tout ça, c'est ce qui peut nécessiter de bien se démaquiller le matin aussi. Donc, de se démaquiller d'abord avec cette huile démaquillante, puis ensuite de nettoyer avec le savon doux. Pour ma part, du coup, je privilégie un savon doux pour être sûre de pas trop Abîmé. abîmer le Oui. exactement le film D'accord. hydrolipidique qui est nécessaire. La peau a besoin d'avoir du sébum qui est naturellement présent à sa surface et sa protection. Donc, il faut pas venir l'agresser. Mais pour ensuite hydrater la peau, c'est ce qui va être peut-être la bonne technique. Voilà pour que la peau soit bien prête et ne pas perdre en fait le. Ça serait dommage par exemple d'appliquer une crème très chère qu'on aurait achetée sur une peau qui en fait n'a pas les pores prêts à recevoir les actifs parce qu'ils sont bouchés quoi par des impuretés, etc. C'est C'est par vrai que ce rapport à serait... ça. Oui, c'est vrai que ce serait Oui, c'est un peu du dommage, du gâchis si on y pense, voilà. coup. Et du coup, toi, ça peut te tenter ce côté 10 étapes comme ça. Tu te vois prendre ce temps-là ou c'est quand même un petit peu trop long, tu trouves? Alors, moi, je n'avais pas pensé que... Enfin, je sais que le soir, quand on dort, la peau sécrète du sébum. Et c'est pour ça que le Ouais. matin, j'utilise une petite lotion pour... bah, du coup pour retirer ce sébum, mais c'est vrai que j'avais pas pensé Ouais. à aussi utiliser une démaquillante, un nettoyant visage le matin. Habituellement, Oui. je le fais bah, du coup quand je suis maquillée pour vraiment Ouais. retirer le maquillage et bah, j'ai le nettoyant tous les soirs. Mais c'est vrai que je pense que D'accord. j'essaierai le matin de faire ce double Oui, nettoyage. ça t'intrigue de voir un peu. Bah, surtout si ensuite tu appliques une crème hydratante spécifique et tout, voire un sérum, ça peut être pas mal, ouais. Oui, pour que les actifs pénètrent mieux. Je vais tenter, Ouais. je te dirai du coup. Oui. Alors, chers auditeurs, dites-nous si vous voyez suivre ce rituel chaque jour ou si ça vous semble un petit peu trop lourd. Bon, c'est vrai que a priori en France, on est quand même un peu moins de produits en moyenne. J'avais cité une étude qui avait estimé que le nombre de produits de beauté utilisés par les Françaises, c'était de 16, en comprenant le gel douche, le shampoing, le savon. Pardon, le dentifrice, le savon, voilà, pour les mains, etc. Donc 16, on n'est pas sur une quantité aussi importante que le proposer le layering, du coup. Oui, totalement. Enfin, c'est vrai que là, du coup, pour le layering, on est entre une dizaine de produits, c'est ça? C'est ça, rien que Enfin... pour ça. Et après, on va voir tout ce qui est maquillage, bon, le dentifrice, le parfum, le déodorant. Donc, je ne connais pas le nombre moyen par la population globale de produits utilisés, mais c'est sûr qu'en suivant ce type de technique, on dépasse carrément. Alors, qu'en pense Cricri? Pour ma part, c'est important pour moi de ne pas avoir trop de produits, en fait, que ça soit simple. D'accord. Oui, je vois. Oui, bah tu veux peut-être tu privilégies la rapidité. Ça doit être ça. C'est sûr qu'il faut un petit temps. Après, j'imagine que quand on est habitué, tout se fait un petit peu mécaniquement, on va dire. Et est-ce que Julie, tu pourrais nous faire rire peut-être en nous racontant une erreur, une gaffe cosmétique un peu que tu as faite avec des produits de beauté? C'est la question type que j'aime bien poser. Est-ce que toi, tu as quelque chose à raconter à ce sujet? Alors, je pense que ça doit être par rapport à la crème solaire. D'accord. Alors, quand je sais que je vais m'exposer, du coup, je mets de la crème solaire sur les zones qui vont être exposées. Mais D'accord. je me rappelle qu'une fois, on est parti dans un parc aquatique. Et bah, du Ouais. coup, moi, j'ai mis de la crème solaire. Enfin, je portais un t-shirt, du coup, au niveau des bras, un peu du cou. Et bah, qui dit parc aquatique dit pas de t-shirt. Et donc, j'ai retiré le D'accord. t-shirt. Et en fait, c'est que le lendemain que je me suis rendu compte que j'ai attrapé des coups de soleil, notamment Ah. au niveau. Ouais, non, j'ai attrapé des coups de soleil, même au niveau du ventre. J'étais toute rouge. Ah Vraiment mince. écrevisse et Ah du coup j'étais oui. achetée mais c'est pas possible en fait en plus dans ma tête je me disais mais non j'ai mis de la crème solaire et ensuite quand j'ai fait le raisonnement je me suis dit ah mince pas Ah. partout en effet voilà Qu'est-ce qu'en a pensé ta mère alors? Parce qu'elle a dû se dire que c'était un sacrilège. oui non mais ma mère elle a dû se dire oh mon Dieu ma fille elle est pas très très douée. Non, je pense que ça doit être ça. Et sinon, je pense que ça doit être à mes débuts dans le maquillage. Ouais. En fait, j'avais un peu de cernes et je ne savais pas comment les D'accord. camoufler. Et du coup, en faisant des achats, on m'a offert un petit échantillon de poudre. Et du coup, je pensais qu'on pouvait l'appliquer directement sur les cernes. Et donc, ça Ah. fonctionne bien. Sauf qu'en fait, ça Oui. m'a asséché le contour des yeux. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, en fait, j'utilise un contour des yeux parce que j'essaye de bien nourrir ce contour. Et j'ai enfin, une mini ridule que j'essaye de faire partir. Et je D'accord, pense de que ça doit être à cause corriger. de ça. Oui. Ah oui, d'accord, c'est oui, ça t'a traumatisé entre guillemets, ce moment où le produit de maquillage t'a complètement asséché. Oui, c'est ça. Et du coup, maintenant, Ah je ouais. sais que... Pour certains maquillages, par exemple, si on veut que ça tienne longtemps ou quoi, on peut poudrer le contour des yeux. Mais moi, je le fais jamais. Ça m'a Oui. traumatisée. Ah, je vois, oui. C'est sûr que le contour de l'œil est particulièrement sollicité par tout ce qui est maquillage, puisqu'en général, on se maquille beaucoup les yeux, Oui. c'est sûr que c'est d'autant plus important d'y faire attention, quoi. Alors, on a Astrée et Laurie qui veulent J'aime beaucoup cette participer. partie du live de la bourde cosmétique, je trouve ça drôle. Et ouais, on aime bien savoir que tout le monde fait des petites erreurs en la matière. Il y a tellement de choses, de nouveaux produits, etc., qu'on a vite fait de faire une petite erreur. Et Laurie, salut Pour Laurie! rebondir sur le nombre de produits de beauté, moi je réfléchis plus en fait en fonction des périodes et des saisons. J'essaye de D'accord. limiter un peu le nombre de produits de beauté parce que moins j'en ai, plus je peux contrôler la composition, la provenance, etc. Oui. Mais par exemple, l'hiver, j'ai tendance à appliquer un peu plus de crème que l'été, ou alors pas aux mêmes endroits. L'hiver, j'hydrate beaucoup plus mes lèvres que l'été. Enfin, c'est un peu, j'essaie de varier en fonction vraiment des besoins et des saisons pour adapter. Voilà. D'accord, je vois. Ah oui. C'est sûr qu'il n'y a pas forcément les mêmes besoins à tout moment. Donc, c'est une bonne stratégie, ouais. J'avoue, j'avoue. Après, j'y pense, je me dis que si par exemple on arrive à trouver des produits qui sont vraiment adaptés à notre type de peau, Ouais. peut-être que ça pourrait aider à limiter les produits. Par exemple, le fait d'utiliser Ah. des sérums ou des essences pour peut-être enfin, apporter plus d'hydratation ou peut-être une action plus nourrissante ou autre, peut-être que ça pourrait être comprise dans la crème. Pour le visage et du coup éviter d'utiliser plus de produits. Je sais pas, je suis en Oui, train de me poser la c'est question. pourquoi pas. Peut-être que tu penses à tout ce qui est produits un peu complets qui nous promettent des actions 3 en 1, etc. Oui, je pense plus à ça. Oui. Mais toujours en restant dans le soin, pas en Oui, partant sur oui. du maquillage. Mais oui, je pense que Oui. si, peut-être que si la crème est proposée vraiment quelque chose de très très adapté, bah, peut-être qu'on n'aurait pas à rajouter des produits supplémentaires, je pense. Ouais, je vois. Après, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des textures, on peut pas faire matcher tout type de texture ensemble. Et par exemple, si on a besoin d'hydratation et de nourrir sa peau, enfin, je prends mon exemple. Récemment, je me suis mise à l'huile végétale pour bien nourrir ma peau. Mais en fait, c'est pas suffisant. Il faut quand même de l'hydratation parce que la peau, comme nous, a besoin d'être nourrie et d'être hydratée, comme l'être humain, quoi, qui a besoin de manger et de boire. Et du coup, dans ces cas-là, on est un peu obligé d'utiliser d'abord un sérum hydratant pour avoir les deux actions. Les Donc, c'est actions. sûr que de toute façon, une crème complète va permettre quand même d'aller à l'essentiel. Mais quand je vois ce que proposent les esthéticiennes en général, il y a plusieurs étapes pour jouer, enfin profiter de chaque texture au maximum et vraiment donner à la peau tout. Mais du coup, oui, en plusieurs fois. Mais à voir, ouais. Peut-être qu'il y a des produits un peu plus miracles qui font tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé de nettoyer sa peau avec un Oui. produit précis, qu'en général, on va peut-être rincer parce que sinon, les impuretés Ça reste sur le visage. vont rester. Voilà, c'est ça le problème de tout ce qui est peut-être eau micellaire, etc., qu'on ne rince pas. Et ensuite, on a besoin d'hydrater la peau. Disons que c'est les deux, le béaba un peu, si on avait juste deux choses à retenir, je pense que c'est celle-ci, quoi. Oui, Et et toi, aussi. ouais. Et protéger la peau aussi, je pense. C'est celle, enfin, je Tu as pense que c'est raison. l'étape qu'on oublie à chaque fois, Tu as mais raison. c'est important aussi de Ouais. la protéger, du coup, bah, par exemple, du soleil ou Oui. des taches pigmentaires, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Notamment lors des beaux jours. Ouais, totalement. Et du coup, c'est quoi ton produit de beauté incontournable en ce moment? Est-ce qu'en ce moment, c'est une crème solaire ou pas forcément? Alors, non, en ce moment, c'est un shampoing pour les cheveux. D'accord. En fait, c'est un shampoing solide. J'en avais déjà utilisé plusieurs auparavant. Et sauf que, je ne sais pas si tu as déjà utilisé un shampoing solide. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, j'ai Oui. essayé. T'en as pensé quoi? Parce que moi, j'en ai utilisé plusieurs. Et à la fin, j'avais des cheveux, mais horribles. Ah mince, Ils oui, c'est dur de étaient... trouver ouais, le bon. Ils étaient un peu, comment dire, un peu poisseux. Enfin, ils n'avaient pas l'air Ah propres, alors que oui, je vois. pourtant, sous la douche, ça moussait bien et tout. Et non. Et en fait, récemment, j'ai essayé un nouveau shampoing solide. Et Ouais. franchement, je l'adore. J'ai été conseillée Ah, pour c'est ce shampoing. lequel? Du coup, c'est le shampoing solide douceur de chez Yves Rocher. D'accord. Et en fait, ils ont plusieurs. Je crois il y a Brillance et Nutrition. Et bah, en D'accord. fait, j'étais très partagée par les trois. Et on m'a conseillé le douceur parce que j'avais les D'accord. cheveux, j'ai les racines qui sont plutôt grasses. Et ensuite, au niveau des longueurs, bah, légèrement Elles sec, vu que je assèchent. fais. Oui, donc il fallait éviter de les assécher en, oui, en nettoyant la racine. D'accord. Et du coup, j'ai essayé, j'ai les cheveux vraiment souples, j'ai pas cet effet poisseux, ils Ah. sont vraiment propres et souples, et du coup, j'adore. Et ils sont même brillants, mes cheveux. Ah, d'accord. Ah Très ouais, belle ok. découverte. Ah. Et est-ce que tu sais par hasard s'il y a du silicone dans le dans la composition, enfin à quel point elle est naturelle ou pas? Non, j'ai pas fait attention à ça, mais je sais que par exemple, c'est. Le laurisulfate, il me semble qu'il n'est pas présent du coup dans ce shampoing solide-là. D'accord. Ok. Et non, il faudrait que je regarde. Je regarderai du coup pour le silicone. Je ne suis pas sûre qu'il y en Oui. ait, mais Bah je déjà, c'est bien regarderai. si, s'il n'y a pas de, de sulfate. C'est vrai que de ce que j'ai compris avec tout ce qui est shampoing solide, quand ils ont une composition naturelle, naturelle, ce qui n'est pas forcément nécessaire, hein, parfois ça peut être un shampoing solide avec quand même certaines, enfin, certains produits de synthèse, synthétiques. Mais du coup, quand on évite tout ce qui est silicone, sulfate, etc., apparemment, les cheveux vont avoir besoin de pas mal de temps quand même pour. Se S'adapter. débarrasser de. Ouais, c'est ça. Et apparemment, tout ce qui est silicone qu'on a pu utiliser auparavant dans d'autres d'autres shampoings classiques, conventionnels, ça va boucher un peu les pores au niveau du cuir chevelu. Et du coup, alors ça, c'est Andrea que j'avais invitée une fois qui travaille pour Ringana qui m'avait expliqué ça. Ensuite, il faut pas mal de temps pour que les silicones soient délogés, en fait, des pores de la peau. Et tant qu'on n'a pas. Atteint ce niveau-là, on peut avoir un peu cette impression de cheveux sales qui va peut-être nous faire arrêter le produit, le shampoing naturel, alors qu'il faudrait peut-être un peu persévérer quelques semaines. Oui, Apparemment, le c'est une temps. technique. Oui, c'est vraiment le temps que le cuir chevelu s'adapte. Et pour Mm. revenir au laurisulfate, enfin les sulfates en général, Ouais. bah, en fait, ça permet d'avoir cet aspect moussant. Et du coup, c'est vrai Oui. que pour beaucoup, même moi inclus, j'ai Oui. l'impression que plus ça mousse, plus ce sera Plus propre. ça Et lave. en fait, Ouais, tout à plus ça fait. lave et plus on aura les Ouais. cheveux propres, alors qu'en fait, Oui. c'est une idée reçue. Oui, c'est Et juste une surtout, habitude. c'est ça. Et en fait, cet ingrédient-là, il est vraiment très. Enfin, il est plutôt nocif parce qu'en soi, il est Ah utilisé oui. dans les produits ménagers. Et en fait, c'est pas du tout Ah oui. compatible avec, du coup, les cheveux ou le corps. Et ça Oui, peut être ah agressif oui. aussi, du coup. Oui, donc peut-être que la peau, le crâne vont avoir tendance à davantage sécréter de sébum pour s'en protéger. Donc il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Après, on a l'impression qu'il faut encore laver plus, alors qu'au contraire, Oui. bah, c'est comme ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, le corps sécrète naturellement, enfin, la peau, elle sécrète naturellement du sébum. Et ça permet, enfin, sa fonction première, ça permet vraiment de protéger, du coup, la peau. Mais le fait d'en retirer trop, le corps va commencer à faire retentir une alarme et dire Oui, oh, il y a un petit souci, du coup, il y j'ai aura plus une de surproduction. protection. Ah Voilà, il y aura une oui. surproduction et comme tu dis, du coup, c'est là qu'on arrive à un cercle vicieux. Ouais, oui. Nous, consommateurs, enfin, on va avoir tendance à vouloir encore plus décaper la peau qui nous énerve parce qu'elle brille ou quoi, et du coup, on la graisse davantage, etc., etc. D'où Oui. l'avantage de tout ce qui est un peu produit doux, même quand on a une peau à tendance grasse, on peut se rendre compte qu'elle réagira mieux sur le long terme. Il faut essayer quand même quelques semaines les nouvelles routines, mais plutôt que si on utilise des produits vraiment agressifs, quoi. Hein, c'est sûr. Alors, on a Astrée qui va intervenir. Moi, je pense pas que ce soit une crème solaire vu comment il fait moche à Paris là. Ah, Astrée réagissait Non. à ton produit de beauté incontournable. Oui, c'est vrai que il fait pas super beau. Mais donc là, c'est vraiment le produit que tu as préféré ces temps-ci, c'est ce shampoing solide. Révélation. Ouais. C'est un... Ok, Oui, c'est vraiment super. ce shampoing solide là. Et pour répondre à Astrée, moi aussi, je Ouais. pensais comme Astrée, comme quoi, vu qu'il fait moche. Ouais. Pas besoin de Ah. protection solaire, mais le problème, c'est qu'en fait, on le voit pas, mais sous les nuages, on a quand même du coup des petits UV qui passent et Oui. c'est les plus dangereux. Et Ah, les A, si je ne me même, trompe pas. Ah oui. ouais, il me semble que c'est cela et ça peut être. Enfin, en fait, c'est très trompeur, mais Ah oui. normalement, on devrait tout le temps se protéger, même si moi-même, je ne le fais pas Ouais, tout le temps. ouais. Ouais. Mais c'est là que les petites crèmes avec un indice ont leur intérêt. Elles vont quand même créer une protection sur notre visage, qui est particulièrement sensible au soleil. Oui, mais tu fais bien de le dire. Il y a beaucoup de choses méconnues par rapport au soleil. Je pense que un live sur le soleil et la protection solaire s'imposera durant l'été. On a Carrie qui va intervenir. Merci Carrie de Pour participer. le shampoing solide, j'ai aussi une recommandation, c'est du Christophe Robin. Et celui que j'aime le D'accord. plus, c'est celui avec du rose. Et ça sent hyper bon. Et Ah. c'est sans silicone, je pense. Et à cause, il n'y a pas de silicone. Du coup, après, tu te laves. Le cheveu est D'accord. plutôt sec. Mais avec après shampoing et tout, le cheveu est très volumineux et tout. Genre, hyper bien. Je vous Ah, recommande. d'accord. Bon à savoir, une autre. Là, on a plusieurs pistes côté shampoing à tester. C'est cool. Merci, Carrie. Ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué hein, d'essayer de prendre un shampoing à la fois bon pour le cuir chevelu et en même temps efficace pour avoir voilà, les cheveux à la fois un peu gainés, enfin, pas tout ébouriffé et en même temps propre, quoi. Tant qu'à Oui. faire. Alors, on va passer. Ouais. Peut-être que tu pourras faire un autre sujet de live à ce sujet, Oui, des produits c'est. solides ou des shampoings solides. J'avoue. Ouais, très bonne idée. Ça peut être intéressant. Il y a de plus en plus, c'est la mode avec l'avantage évidemment économique et écologique avant tout, Écologique. puisque ouais, ça évite de transporter l'eau qui est finalement proposée dans les produits conventionnels, puisque avec le savon, le produit solide, on va utiliser l'eau de chez nous et donc il n'y a pas à apporter cette eau dans un flacon qui pèse donc lourd, qui prend de la place dans des camions, etc. Donc il y a toute une démarche intéressante et ça se développe du coup pas mal. Alors, on va passer à la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté ma belle invitée. Et l'imaginaire, bien sûr, c'est la force du podcast. Du coup, on a trois caractéristiques à vous faire deviner sur Julie ce soir. On aimerait que vous deviniez son âge, son style de série préférée et le style de livre qu'elle préfère lire. Dites-nous si vous avez une idée par rapport à Julie. Est-ce que tout ce qu'elle a raconté vous a fait plutôt imaginer Julie lisant des romans à l'eau de rose ou regardant des séries d'horreur? Dites-nous ce que vous en pensez. C'est le moment de deviner tout ça. Et l'âge aussi. Toi, en général, Julie, on te donne plus ou moins dans la vie? Dans la vie, on me donne souvent moins. Souvent Ah, moins. d'accord. Ok. Et Et tu parfois, ça demandes peut si ta voix être. seule. Mais oui, je me demande par rapport à ma voix, est-ce qu'on me donnerait plus ou moins? J'ai hâte d'avoir la Ouais. réponse des auditeurs. J'espère que. Enfin, on va voir si les auditeurs ont réussi à deviner. En tout cas, c'est qu'est-ce que tu as donné là comme indice? Ça, tu as évoqué tes études, mais bon, si tu as quand même dit que tu avais travaillé 4 ans dans la vente en parallèle. Donc, oui, on a peut-être quelques indices qui sont ressortis, mais c'est avant tout la voix qui va sans doute. Influencer la réponse. Alors, qu'en pense Cricri? Merci Je dirais Cricri. que Julie a 28 ans et qu'elle 28 ans pour Cricri. regarde plutôt des séries, des comédies plutôt, comédies romantiques. Comédie romantique pour Cricri. Tu vas nous révéler dans un instant, Julie. On a Astrée aussi qui Je propose. dirais, pour l'âge, je dirais 20. Allez, 24 ans, puisque t'as dit qu'on te donnait plus jeune. Pour les Ok. séries, j'irai séries, allez, séries coréennes. Je sais pas, c'est pas un type de série, mais bon, voilà. Oui, Peut-être les c'est vrai. mangas, pour rester dans le cliché. Et pour les livres, j'irai des romans policiers. Ah, et Esther? Pour l'âge, j'aurais dit 22 ans. Pour les séries, j'aurais dit des séries plutôt policières. Et pour les livres, j'aurais dit bah, des romans policiers aussi. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a deviné ton âge? Oui, Astrée a deviné mon âge. Ah, bien joué, Astrée. Bah, du coup, 24. Et pour les séries et les livres, on a eu deux bonnes réponses. Parce que c'est D'accord. vrai que niveau série, j'adore les comédies romantiques. Et j'aime D'accord. aussi tout ce qui est thriller, criminel, policier. Ah, Et d'accord. par contre, pour les livres, c'est 100% romance. Ah, d'accord. Ah, c'est Voilà. marrant. Et quelle est du coup ta série préférée et ton livre préféré? Alors, pour les séries, bah, j'ai bien aimé la deuxième saison de Lupin. Ah J'ai oui. regardé saison 1 et saison 2. Sinon, j'aime bien Lucifer aussi. Et D'accord. en livre, j'ai pas de nom. Attends, je suis devant mon téléphone. Je vais dire ça. Et pendant ce temps, chers auditeurs, vous pouvez aller découvrir la photo mystérieuse de Julie ainsi que celle de sa salle de bain sur mon Instagram Beauté Imaginée avec le tiret du 8 entre les deux mots et sans accent. On a donc la photo mystérieuse que Julie a bien voulu nous dévoiler ce soir. Tu as retrouvé le titre? Alors, du coup, c'est plutôt une série enfin, une saga. Et du coup, c'est D'accord. la série Sinners, Sinners, ou sinon, j'aime bien, comme livre, j'aime, alors, attends, c'est un truc avec vampire. Alors, attends, faut que je D'accord. retrouve, parce qu'en fait, c'est un truc un peu de vampire, mais très farfelu. Et D'accord. j'adore. Alors, du coup, c'est. En fait, c'est pareil, c'est une saga. Et du coup, j'ai Ouais. plus le premier, mais je crois que le deuxième, c'est Vampire et Flippé. Ou sinon, il y a Vampire et Indigné. Mais c'est vraiment très, très D'accord. hilarant comme saga. Comme style. C'est vent. Et il y a de la. Oui. Enfin, c'est une romance quand même. Le titre Oui. n'y fait pas penser à première vue. Oui. C'est une romance légèrement fantastique parce que du coup, on a des vampires, mais ça, c'est juste accessoire. Et D'accord. du coup, en fait, on suit du coup une fille qui, du jour au lendemain, devient vampire. Et en fait, elle devient la reine Ah. des vampires, alors qu'elle, elle n'a D'accord. rien demandé. C'est juste une personne D'accord. qui adore la mode, qui aime bien se faire plaisir, qui aime juste sa vie. Du quotidien, et en fait, tout est bouleversé. Et franchement, c'est très Okay. hilarant. Le D'accord, le personnage est vraiment très bon. décalage. Ah, ok. Oui. Une lecture pour l'été, pourquoi pas. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, tes hobbies? Alors, bah, actuellement, je suis encore étudiante Ouais. en alternance, et du coup, bah, j'aime bien travailler, enfin, j'adore les cosmétiques, et c'est pour ça qu'en ce moment, je Ouais. travaille aussi dans les cosmétiques. Et sinon, mes hobbies, bah, écoute, j'adore regarder des séries, lire des Ouais. livres, et dernièrement, Te je me suis masser le intéressée. visage. Oui, prendre du temps pour moi. J'essaye vraiment de prendre du temps pour moi. J'aimerais bien faire de la Ouais. méditation, reprendre la méditation. Ah. Mais non. Et sinon, dernièrement, bah, j'aime bien faire des petits tableaux. D'accord, de peinture? Oui, de peinture un peu abstraite. Et voilà. D'accord. Ah. Tu pourras m'envoyer. Je sais pas si tu peux m'envoyer pour que je mette sur Instagram. Ou c'est trop, tu n'oses pas. Il est pas parfait, mais Ça oui, va, c'est. je te Tu l'enverrai. m'enverras ça. D'accord, Oui. parfait. Qu'on voit un peu tes talents et tout. Alors, du coup, maintenant, on va passer à notre quiz vrai-faux. On va tester un peu vos connaissances, tes connaissances en matière de tendance beauté asiatique. Donc, bien sûr, hein, on a évoqué On a un peu survolé différents thèmes. Il faudrait avoir le plus de temps pour tout creuser, mais on va quand même continuer avec ce quiz vrai-faux. Chers auditeurs, on attend vos réponses aussi. Lancez-vous, hein, c'est plus rigolo quand vous essayez de répondre avec nous. Je vous dis une affirmation, vous me dites si pour vous elle est vraie ou fausse. Voici ma première affirmation. J'ai cinq questions, Julie. Tu vises quelle note, toi? Je viserais 3, je pense, D'accord. pour être dans la 3 moyenne, sur 5. un peu plus. Ok. Alors, l'Europe de l'Est est le continent, enfin l'Europe d'ailleurs, pardon, est le continent qui dépense le plus en produits cosmétiques. Est-ce que c'est vrai ou faux pour toi et pour vous, chers auditeurs? Cosmétiques, en prenant en compte soins, Alors, maquillage, produits de parfum. beauté, maquillage, parfum exactement, produits d'hygiène au sens large. Produits visage du cou, produits corps. Est-ce que l'Europe est le continent qui dépense le plus selon toi? J'ai un gros doute. J'hésite à Ouais. dire vrai ou faux. Faux, peut-être, ce serait un autre continent. Peut-être l'Asie ou peut-être Amérique du Nord. Mais du coup, moi, je répondrais faux. Je pense pas que ce soit la France. Tu penses que Je c'est pense. faux? Ouais. Alors, qu'en pensent nos auditeurs? On a Juliette, Astrée, Wayway, Esther, Cécé, Céline, Guada, Claire, Cricri, Claire encore, Charo, Laurie, Fan Mystère, Maddy, Almira et deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, l'Europe est le continent qui dépense le plus en produits cosmétiques? On a déjà Astrée Moi, je qui dirais que se c'est faux, du lance. coup, parce que vous dites ça doit être l'Asie et... Ouais, non, l'Asie. D'accord. Donc, elle est d'accord avec toi. Toi, t'hésitais entre Asie et Amérique du Nord. Esther. Non, moi, j'aurais dit faux. Je pense que c'est l'Asie qui dépense le plus, mais pas l'Europe. Cri-cri. Moi, je dis faux. D'accord. Sans nous dire à quel continent tu penses. Bon, bah, en effet, hein, bien joué à toutes. C'est bien l'Asie, en fait. Ce sont les Asiatiques les plus gros consommateurs de produits cosmétiques. En 2019, ils achetaient pour 41% des cosmétiques, du coup, mondiaux. Ensuite, on a les Nord-Américains, bien joué, Julie, 24%. Et les Européens, alors de l'Ouest, en l'occurrence, j'ai le chiffre pour l'Europe de l'Ouest, dont nous faisons partie, 18%. Donc, tu te rends compte l'écart qu'il y a? Bon, évidemment, ce n'est pas le même nombre d'habitants, donc ça joue aussi, mais l'Asie, c'est vraiment le marché incontournable en termes de cosmétiques. Si tu veux persévérer et lancer ta gamme de produits de beauté, pourquoi pas, il faut viser le marché asiatique. Alors, du coup, deuxième affirmation. À l'échelle mondiale, c'est la Corée du Sud qui est le pays qui dépense le plus en produits de beauté, suivi ensuite du Mexique, puis de la Chine. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux, que au niveau de la consommation de produits de beauté, on aurait d'abord la Corée du Sud, ensuite le Mexique et ensuite la Chine? Julie, toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai un doute sur le Mexique. J'aurais pas dit plus le Brésil. Enfin, et du coup, tu me dis, est-ce que tu peux Moi, je rappeler te l'ordre? propose Corée du Sud, Corée. Mexique, Chine. Allez, j'irai vrai. J'irai vrai. Donc, ça serait la Corée du Sud, hein, du coup, qui est très Oui. créatrice et très innovante en termes de cosmétiques, qui serait le pays le plus consommateur au monde. Est-ce que Astrée et Cricri sont d'accord avec toi? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, Astrée, du coup, est-ce que pour toi, c'est Corée du Sud, Mexique et Chine qui sont les plus gros consommateurs à l'échelle mondiale de produits cosmétiques? Cricri? Ça ne s'invente pas, donc moi je dirais vrai. Oh, tu sais, il suffit de connaître un petit peu de géographie pour pour remplacer les pays Un ou par deux. d'autres noms. Et c'est bien sûr ce que j'ai fait ce soir dans notre quiz Ah. beauté de beauté imaginée sur les tendances asiatiques. Ce n'est pas le classement réel. Je vous proposais donc Corée du Sud, Mexique, Chine pour les pays les plus consommateurs, ce n'était pas ça. Alors, on va quand même écouter Esther Moi, et je dirais faux, j'aurais pas mis le Mexique dedans. Ça me Astré. semble bizarre. Ouais. Et Je Astré? pense que c'est faux pour le. Non, allez, je dirais vrai. Parce que t'aurais pas mis le Mexique comme faux truc, parce que c'est justement le piège, je pense, de la question. Donc, vrai. Eh ben non, c'était donc faux. On a en fait le premier pays. Du coup, ça serait quoi pour toi si c'est pas mon classement? Tu penses à quel pays pour le premier pays consommateur? Pour le premier, j'aurais pensé, si c'est pas la Corée, peut-être le Japon ou sinon peut-être les États-Unis. Exactement. C'est États-Unis le premier pays. Ok. Ensuite, c'est la Chine et ensuite c'est le Japon. Donc, au niveau de... Alors, les États-Unis, ils vont consommer pour 89 milliards de dollars de produits cosmétiques. La Chine, deuxième position, 58 milliards de dollars de produits cosmétiques. Le Japon, 36 milliards de dollars. Donc, tu vois, il y a une grosse différence, hein. États-Unis, 89, Chine, 58, Japon, Ah oui. 36. Et après, selon toi, en Amérique latine, qui ça pourrait être? Le Brésil. Ouais, Non? bien joué, tu l'as évoqué, exactement. C'est le Brésil, le quatrième, 34 milliards de dollars. Et qui pourrait être le suivant en Europe? C'est un Européen, le suivant. La France ou l'Allemagne? La Bien joué, France. c'est l'Allemagne. L'Allemagne. OK. 19 milliards. La France, on est huitième, on ne dépense que 14 milliards de dollars en produits de beauté. Et tu vois, on a vu que ce soir, on a évoqué les pays d'Asie, à savoir Chine, Japon et Corée du Sud. La Corée du Sud, pour info, elle est dixième mondiale, avec 12 Mais milliards de dollars dépensés. c'est étonnant. Moi, je pensais que la Corée du Sud serait un peu plus, enfin, classée un peu plus dans le top, dans le En top fait, 6 ou 5. ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce sont déjà le nombre d'habitants. Il y a une énorme C'est vrai. différence entre la Corée du Sud et les États-Unis, puisque les États-Unis sont plus de 300 millions, quand la Corée du Sud, ils sont 50 millions. Donc, tu vois déjà ça à Oui. prendre en compte, parce que là, on est à 12 milliards pour 89 aux États-Unis. Donc, voilà, si on multiplie 12 milliards par 6 déjà, proportionnellement, bah, si je ne me trompe pas, ça fait 60. 10, je pense que je me trompe. 72. Non, 74. 12 fois 6. Non, 60. Oui, c'est ça. Je pense que ça fait 74 milliards. Donc, tu vois, on se rapprocherait déjà. Et après, en termes de ça ne nous donne pas d'infos sur le volume. Peut-être que les produits que les Coréens achètent sont un peu moins chers et que du coup, ils en utilisent énormément quand même. Et qu'aux États-Unis, c'est un peu plus valorisé, ça coûte un peu plus cher. Donc, on est quand même sur un bon score en Corée du Sud au vu du nombre d'habitants, tu vois. Alors qu'en Chine, Oui, c'est où vrai. là, on est sur carrément d'autres dimensions en termes de nombre d'habitants, bah, on est à 58 milliards, donc tu vois, c'est quand même, ça dépend beaucoup du nombre d'habitants et tout, et du pouvoir d'achat, bien sûr, du pays. Mais donc, États-Unis, Chine, puis Japon, ça c'est le top 3. Alors, on a une petite intervention de Il Cricri. faudrait comparer à la population de chaque pays Ah, pour voir la exactement. proportion. Tout à fait, tu as raison, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc la Chine, si je ne me trompe pas, on dépasse le milliard, si je ne me trompe pas, Julie, d'habitants. Je pense que Hop, oui. on va donner tout de suite l'information exacte. Chine, nombre d'habitants. On est à 1 milliard 3 même, quasiment 1 milliard 4. Donc 1 milliard 4 d'habitants pour 58 milliards de dollars, du coup, ce n'est pas une consommation excessive par rapport aux États-Unis où on est à 320 millions d'habitants pour 89 milliards de dollars. Mais on voit que l'Asie est vraiment incontournable en termes de consommateurs de produits cosmétiques. En tout cas, c'est la morale. Côté, cette fois-ci, exportateur, créateur, voici ma troisième affirmation. Dites-moi si elle est vraie ou fausse. La France est le premier fournisseur de cosmétiques sur le marché japonais. Là, j'ai ciblé le marché japonais, c'est les chiffres que j'ai trouvés, devant les États-Unis et la Corée du Sud. Est-ce que la France est le pays qui exporte le plus au Japon? Et ensuite, il y aurait les États-Unis qui exporteraient le plus au Japon, puis la Corée du Sud. Ça te semble vrai? Ça te semble faux? Je suis en train de réfléchir. Je me dis que ça pourrait être vrai que la France Ouais. exporte plus que les États-Unis, je pense. Au Japon, en tout cas, ouais. Au Japon. Moi, j'aurais dit vrai. J'espère que c'est vrai. Alors, on va voir ça. Du coup, la question d'avant, tu avais eu juste, hein, je ne me trompe pas. Ou tu Non, t'étais j'ai eu trompée, faux. pardon. J'ai eu Ah faux oui, parce que mince. j'ai dit que c'était Ok. peut-être vrai. Donc là, on est à 1 Point. sur 2 pour l'instant. Et alors, qu'est-ce qu'en pense Cricri de cette affirmation-ci? Est-ce que la France est le premier exportateur de produits cosmétiques au Japon? Moi, je dirais vrai. Vrai pour Cricri, donc comme toi, eh bien oui, bien joué à toutes les deux. C'est bon, tu as ton deuxième point, Julie. En effet, la France est le premier fournisseur. Les marques françaises sont très bien représentées au Japon. Elles se partagent 31% des importations japonaises de produits cosmétiques globalement. Je rappelle que le Japon est le troisième consommateur hein, au monde de produits cosmétiques avec 36 milliards de dollars. Acheter. Et donc, la France va surtout exporter du maquillage, puisque dans les importations de produits de beauté françaises, le Japon importe. Non, pardon. Au niveau de ses importations de maquillage, le Japon en importe 35% de France. Donc, c'est énorme. Un tiers de ce que le Japon achète à l'étranger en termes de maquillage, ça vient de France. Et ensuite, pour le parfum, il va carrément importer pour 60% de son parfum de France. Donc on voit D'accord. que la France, de toute façon, tu le disais, hein, est reconnue pour son savoir-faire sur cette industrie. Et à l'échelle mondiale, la France est carrément le premier pays exportateur hein, et domine le marché planétaire des produits cosmétiques. Ça, c'est de façon globale. Donc là, c'était les chiffres précisément au niveau du Japon. Mais de toute façon, à l'échelle globale, la France exporte pour 16 milliards d'euros de produits cosmétiques à l'étranger et ça en fait le premier exportateur mondial. On passe à la quatrième affirmation. En Corée, la chirurgie des paupières est très répandue. Vrai ou faux? Comme on s'intéresse à tout ce qui est un peu critère aussi de beauté. Dans notre thème là des tendances beauté, je me suis intéressée à ce point. Est-ce que pour toi, c'est possible que la chirurgie des paupières soit très répandue en Corée du Sud, Julie? Alors, je sais que la chirurgie, elle est... je sais que beaucoup de personnes ont recours à la chirurgie esthétique en Corée, notamment pour refaire le visage, le nez, peut-être la forme aussi du visage. Et du coup, les paupières, la question c'est est-ce que c'est Est-ce que cette la première opération-là, vue? est-ce que c'est très répandu, la chirurgie Ah des oui. paupières, Oui, comme moi on parlait j'aurais de dit tout ce qui oui. est agrandissement du regard, etc., dans les attentes en termes de maquillage et tout ça? Oui, moi j'aurais dit vrai du coup. D'accord. Tu penses que c'est vrai? Est-ce que Cricri est C'est d'accord oui. avec toi? Vrai. Ah, Cricri est d'accord. Tout à fait, bien joué. Tu l'as dit, hein, de façon générale, la chirurgie esthétique est très répandue en Corée du Sud. C'est le troisième pays au monde qui en réalise le plus, après les États-Unis, qui, eux, font apparemment chaque année 3,3 millions d'actes de chirurgie esthétique. Ensuite, quel Ah serait le oui. pays? On l'a évoqué tout à l'heure. Ça serait quoi Le pour toi le Brésil. deuxième pays? Le Brésil? Ah, moi j'aurais dit le Vrai. Brésil, mais j'ai Ouais, l'impression bien que c'est joué. pas ça. C'est le Si, Brésil, si, bien joué, bien ok. joué. 2,5 millions d'actes au Brésil de chirurgie esthétique et Corée du Sud en troisième position. 1,2 million d'actes par an. Donc là, je parle de chirurgie au sens large, hein, pas seulement les paupières. Alors que je le rappelle, hein, en Corée du Sud, ils sont 51 millions, quand aux États-Unis, ils sont 328 millions. Donc du coup, la proportion est bien plus élevée en Corée du Sud par rapport aux États-Unis en termes de chirurgie esthétique. En France, pour info, on est à moins d'un million par an. On est entre 500 000 et 1 million d'actes de chirurgie esthétique par an. Et pour ce qui est de la chirurgie des paupières, apparemment, c'est aussi courant que l'orthodontie, par exemple, en Occident. Le fait de donc créer une double paupière par la chirurgie. Donc, tu vois, on voit que c'est avec ce parallèle, on voit que c'est assez courant là-bas. Oui, et même il me semble que en Corée, Je crois que, par exemple, quand les jeunes ont 18 ans, et ben, le premier cadeau que les parents font à leur enfant, Ah. c'est vraiment une opération chirurgicale. Et c'est vrai que Ah en oui. France, la chirurgie, c'est un peu tabou, c'est un peu mal Oui. vu, alors que C'est vrai. dans ces pays-là, c'est une toute autre vision. Et Oui, ouais. du coup, par rapport aux chiffres, ça m'étonne pas du tout pour la France. Ah, je vois. Mais Ouais. T'as raison, en France, oui, on va un peu juger le fait de faire de la chirurgie esthétique. Ouais, il y a une autre approche. Et apparemment, j'entendais qu'en Corée du Sud, voilà, l'apparence est très importante et qu'on peut même être un peu discriminé à l'embauche et que du coup, ça peut être aussi un motif de chirurgie esthétique que de trouver un travail plus facilement. Oui, Donc, ça malheureusement. montre le poids. Ouais, bah, c'est sûr que ça, y a des avantages à être aussi souple pour être mieux dans sa peau, etc. Pouvoir recourir à la chirurgie esthétique facilement, ça peut être un plus, mais si c'est suite à une pression sociale très forte, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, cinquième et dernière affirmation. Donc là, tu as déjà 3 sur 4. Bien joué pour le moment. Donc, tu as atteint ton objectif. Est-ce que tu auras 4 sur 5? On va le savoir dans un instant. Le seul souci avec le layering, c'est le coût, puisqu'en fait, on va payer plusieurs produits. Est-ce que c'est vrai ou faux pour toi? Pendant ce temps, je vais demander à nos auditeurs si ça les inspire, cette affirmation. Est-ce que, chers auditeurs, vous pensez que le seul problème du layering, la technique de superposition des couches de produits de beauté sur le visage, aurait comme seul inconvénient le coût? On a Juliette, Astrée, Esther, Cécé, Céline, Guada, Claire, Cricri, Claire, Charo, Laurie, Fan Mystère, Almira et Wayway. Merci à tous et toutes, en tout cas, d'être au rendez-vous ce soir. Alors, Julie, t'en penses quoi, toi, de cette affirmation? Alors, je pense pas que ce soit le seul inconvénient, mais je pense que ça peut être un inconvénient parce que c'est vrai qu'au vu, enfin, en étant logique, c'est vrai que plus on a de produits, plus ça doit revenir à un budget conséquent. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres inconvénients comme le temps à passer. Ouais. Et le temps à passer, oui. Et aussi, bah, du coup, moi, j'aurais dit faux. C'est pas le seul inconvénient. D'accord, donc tu penses qu'il y a d'autres inconvénients au layering. Qu'en pense Claire? Salut Claire. Je pense que un autre inconvénient peut être que en accumulant les produits, on empêche la peau de respirer. Ah oui, c'est. Tu as raison, c'est une des un des inconvénients auxquels nous sensibilisent certains scientifiques aujourd'hui. Le fait d'utiliser trop de produits, ça va empêcher la peau de se restructurer par elle-même, puisqu'elle va toujours être en train de entre guillemets lutter ou gérer les actifs qu'on lui propose. Et du coup, elle va ces mécanismes naturels classiques de production, de sébum, d'élastine, etc., sont un petit peu chamboulés par tous ces actifs qu'on lui propose. Donc, bien joué, c'était bien faux pour cette affirmation-là. Esther, est-ce que Esther avait Je plus? pense que c'est faux. Bien Ouais, joué. c'est faux. Bien joué, Esther. En fait, alors, rien n'est prouvé, mais j'entendais l'interview d'un scientifique justement qui prône le slow cosmétique, le fait d'utiliser moins de produits, mais peut-être de meilleure qualité, etc., qui évoquait une étude de 2018 stipulant qu'en Corée du Sud, c'est le pays où il y a le plus de peau sensible. Donc, il n'y a pas de corrélation directe réalisée, mais le fait que le pays qui utilise cette technique du layering recense le plus de peau sensible pourrait faire réfléchir à un éventuel lien. Et du coup, voilà, un conseil qu'on pourrait donner, c'est déjà d'introduire progressivement de nouveaux produits à sa routine si on décide de suivre ce genre de technique assez chargée en termes de produits cosmétiques sur son visage, sa peau. Le fait d'introduire les produits petit à petit va aider à voir si on réagit bien à chacun d'entre eux. Il faut savoir que la peau met environ 21 jours à se renouveler, 3 semaines. Donc, c'est le temps déjà a priori nécessaire pour voir un effet réel d'un produit sur la peau. Et avant cela, s'il n'y a pas d'effet ou que Voilà, on n'est pas forcément satisfait du résultat. C'est peut-être que la peau n'a pas eu le temps de réagir au produit. Donc, plutôt que de changer trop rapidement de produit tout le temps et du coup de perturber un peu sa peau, ça peut être bien d'attendre voilà, 3 semaines minimum. On entend même 3 mois hein, comme conseil généralement avant de changer de routine. Oui, bah c'est vrai que 3 mois, du coup, c'est bah, un peu le temps moyen pour finir une crème, je pense. T'as raison. Enfin. Et en termes écologiques, du coup, c'est très bien si on se limitait, si à chaque fois qu'on achetait un produit, on l'utilisait au maximum, ça limiterait la surconsommation, entre guillemets. Donc oui, c'est aussi par rapport à ça, sans doute, que on entend ces conseils-là. Mais en tout cas, 3 semaines, ça serait déjà un minimum pour se rendre compte de l'efficacité du produit. Et là, on n'arrive pas au bout du produit. Mais bon, on peut déjà avoir un bon retour, quoi. Oui, en tout cas, je n'étais pas du tout au courant par rapport à la sensibilité, enfin comme quoi la population coréenne a plus, Ah oui. est plus sensible du coup au niveau du soin visage. Et c'est vrai que ça peut nous porter à se poser des questions par rapport à ça. Et même du coup, Ouais. je suis en train de réfléchir parce que en soi, la sensibilisation, elle arrive petit à petit. Et Ouais. c'est pas du fait qu'on soit en contact avec des molécules qui peuvent être sensibilisantes pour la peau. C'est à ce moment-là que la peau, elle devient sensible. C'est bien ça? Ou je crois que je dois peut-être me Oui, tromper. tu as raison. En fait, enfin, le mot sensible, du coup, il y a deux Deux approches, entre signes. guillemets. On peut Ouais. avoir une peau sensible, c'est-à-dire qu'elle va vite réagir, faire des rougeurs. C'est un état de peau, en fait, qu'on peut avoir à certains moments de sa vie. Et du coup, sensibiliser, quand on se sensibilise, enfin, quand la peau... devient enfin est sensibilisé, ouais, est-ce que c'est le bon mot, la sensibiliser, devient il y a une sensibilisation en fait des peaux à certains actifs qu'on leur propose trop souvent en fait. C'est ce que j'avais compris des différents discours de certains scientifiques en fait. C'est voilà le fait que à force d'être en contact exposé aux mêmes molécules qui ne sont pas forcément bénéfiques à la peau va surréagir parce qu'elle a été trop en contact. D'accord. Comme quoi, il faut vraiment faire attention à sa routine et aux produits qu'on utilise du coup sur la peau. Ouais, bah c'est sûr que ça a un réel impact. Et je vous invite à écouter le live sur les perturbateurs endocriniens parce que j'avais cité plusieurs infos d'interviews vraiment intéressantes. Je pense notamment à celle de Cyril Télinge qui a été interviewé dans le podcast Beauty Toaster. J'ai beaucoup aimé cette interview-là. On apprend beaucoup de choses sur justement tout ce qui est voilà, sensibilisation de la peau et jeunes cosmétiques, etc. Et du coup, on voit qu'il y a un vrai impact. Il parlait notamment de la pénétration systémique, c'est le fait que tout ce qu'on s'applique sur la peau, en fait, tous les actifs vont se retrouver Pénètre. pas seulement dans les différentes couches de l'épiderme, mais même dans la circulation sanguine. Donc, ça fait réfléchir à l'impact, en fait, de l'utilisation des cosmétiques. On n'est pas juste sur un traitement de surface, il y a quand même un impact, même minime, mais sur le corps entier, finalement. Oui, si on ajoute du coup le fait qu'il y ait une accumulation de ces actifs qui rentrent vraiment dans le corps, bah là on peut vraiment avoir des conséquences qui peuvent être Oui, importantes. c'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un vaste sujet, on en parle de plus en plus aujourd'hui, voilà, de tout ça, et ça fait réfléchir à ce qu'on s'applique, donc c'est une bonne chose. Mais bon, faut pas après tomber dans la grande crainte, voilà, en n'osant plus rien s'appliquer, etc. Notamment, je reviens du coup à ce dont on parlait, les protections solaires. C'est un souci aujourd'hui, comme il y a eu beaucoup de polémiques autour de certains actifs, Oui. certains ingrédients, et Je crois. au niveau écologique aussi, de destruction de, enfin de voilà, Des de destruction coraux, des il me coraux, semble. exactement. Ouais. Certaines personnes ont décidé de ne plus s'appliquer de protection solaire, alors que je le rappelle, le cancer de la peau, c'est un des cancers enfin, le cancer le plus répandu au monde. Je crois qu'il y en a un sur trois même qui est concerné. Un cancer sur trois correspond au cancer de la peau. Donc, c'est intéressant de réfléchir à la composition de la protection solaire qu'on utilise. Et c'est bien, voilà, de vérifier qu'il y ait le moins d'impact possible sur la nature. Mais il faut se protéger. Tu l'as dit, c'est vraiment l'incontournable aussi. Hein. En plus du nettoyage de la peau et de l'hydratation, la protection de la peau, c'est quand même très important. En tout cas, j'ai hâte d'un prochain podcast sur le sujet, du coup, De des la crèmes protection solaires, solaire. Oui, c'est clair, on a parce pas mal évoqué que... ce point. Ouais, Ouais, il faut que je cale ça. T'as raison, ça peut être vraiment intéressant. Bah, déjà là, on arrive à la fin de ce live-ci stéréo beauté imaginée sur les tendances asiatiques. On a appris beaucoup de choses, je trouve. Et du coup, je pense que ouais, le thème à creuser davantage, c'est sans doute celui-ci. Est-ce que quelle info t'as la plus marquée, toi, Julie, dans le enfin là ce soir? Beaucoup d'informations, beaucoup. Déjà, dans un premier temps, le classement du coup des plus gros consommateurs. Oui, c'est intéressant ça, ouais. Ça. Et surtout aussi que la France est le premier pays qui exporte du coup au Japon. Et aussi, le dernier Et point dans qui le monde. était et dans le monde. Et aussi, le dernier point par rapport à la Corée, le layering et le fait que. Les scientifiques ont découvert que du coup la population a une peau du coup plus sensible et du coup là ça nous pousse à nous poser des questions du coup sur le sujet. Oui. Mais non, c'était un podcast vraiment très très intéressant. Même moi j'ai appris plein de choses à cette Ah bah émission. génial sur tout ça. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé ton témoignage et ton approche de la beauté, ta connaissance aussi, puisqu'on voit que tu es experte, puisque tu travailles dans le milieu. Et donc là, c'était vraiment une approche, enfin un témoignage intéressant. Merci beaucoup, Julie. Merci de m'avoir invité, c'était J'espère. vraiment un plaisir. Avec plaisir, merci, merci. J'espère que nos auditeurs ont aussi appris de nouvelles choses. Et en tout cas, pour ce qui est du prochain live programmé, le thème sera un thème aussi très en vogue en ce moment, à savoir tout ce qui est microbiote et beauté. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Julie. Alors moi j'ai entendu parler des probiotiques. Est-ce que du coup Voilà, tout à fait. Ouais. Des probiotiques et même après tout ce qui est compléments alimentaires, etc. C'est ce qu'on évoquera aussi. En fait, notre flore intestinale est désormais particulièrement étudiée pour son lien avec notre peau, nos cheveux. Et du coup, les marques de cosmétiques s'emparent de ce sujet pour proposer des routines encore plus complètes comment dire, en prenant soin de l'intérieur aussi pour avoir un impact. Positif et joli sur l'extérieur. Oui, je crois qu'il y a une phrase, c'est la beauté extérieure vient de la beauté, non, vient de l'intérieur ou Ah quelque chose comme oui. ça. Je crois que c'est Oui, par souvent on rapport. entend on est beau à l'extérieur. Non, on est beau à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Peut-être que c'est par rapport à ça. Oui, aussi par rapport à du coup ce que tu disais des compléments alimentaires, comme quoi ça a Oui, aussi des d'accord, oui. conséquences. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'être du coup d'assister à ton prochain live. Et de connaître un peu plus du coup sur le sujet. Génial, génial. Bah, rendez-vous pris. Je vous teaserai prochainement sur Instagram du coup ce live sur le microbiote. On a Esther qui va peut-être conclure notre live de ce soir. Ouais, c'était très sympa et c'est une bonne idée de faire un live sur la crème solaire. Ah ouais. Ouais, je pense que y a beaucoup beaucoup d'infos aussi à donner par rapport à ça. Donc voilà, deux prochains thèmes à fixer. Encore une fois, merci beaucoup Julie d'avoir répondu à mes questions. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé ma belle invitée. On vous postera les talents en termes de peinture de Julie. Oui, ils sont. Enfin, le tableau n'est pas parfait. Hein. Bien Je sûr, préviens mais tout le monde. c'est. T'inquiète pas, c'est pour. c'est pour en savoir un peu plus de ton univers, on va dire. Là, tu vas lui montrer un peu ton univers créatif. En tout cas, chers auditeurs, si vous voulez un soir être mon invité, faites-moi signe sur Instagram. Mon compte, c'est Beauté Imaginée, sans accent, avec le tiret du 8 entre les deux mots. Et je vous dis à très bientôt sur Stéréo pour un nouveau live de Beauté Imaginée. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Passez tous une belle soirée et à très vite. Merci. Au revoir.